Donc on commence, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 71 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. Et on est arrivé donc, toujours on est dans le volume 2 et c'est la page 527. Et donc, le commentaire, c'est le commentaire numéro 15, donc dans le volume 2. On est toujours dans l'explication de la salat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les exemples qui ont rapport avec la salat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comment il était modéré dans sa prière. Donc, le cheikh, il dit, « Wa rawa muslimun fi sahihi, an Abu Dawud fi sunani, wa Abu Dawud fi sunani, an Hilal ibn Abi Humayd, عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث قال فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء قال شعبة فذكرت لعمر بن مرة فذكرته لعمر بن عمرة ابن مرة فقال قد رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. Bon, on va commencer par traduire ces hadiths-là qu'on a lu maintenant. C'est le premier hadith, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih et également rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Et c'est rapporté selon Hilal ibn Abi Humayd, selon Abdurrahman ibn Abi Layla, selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Il dit qu'il a fait la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a trouvé que son qiyam, son recours, et quand il se relève du recours et son sujoud et lorsqu'il s'assoit entre les deux prosternations, et lorsqu'il se reprosterne encore une fois, et lorsqu'il s'assoit pour le taslim avant qu'il s'en aille, il a dit que ça c'était à peu près de la même durée, à peu près égale. C'est-à-dire chacune des positions dans la salat, il les faisait d'une durée qui est à peu près la même. Après, il rapporte, selon l'imam Muslim dans son Sahih, selon Shu'bah, selon Al-Hakam, il a dit qu'à l'époque de Ibn al-Ash'ath, il y a un homme qui avait le pouvoir dans la région de l'Irak, Al-Kufa, et il a ordonné Abu Ubaid ibn Abdullah de diriger les gens dans la prière. Et il priait, et lorsqu'il se relevait du recours, il restait debout le temps de dire l'invocation suivante: Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard. Quand tu te lèves, l'imam dit sami'a Allahu liman hamida, et il dit rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Donc il disait ce dua quand il se relevait du recours. Donc il restait debout le temps de dire ça. Et Al-Hakam a dit, j'ai mentionné cela à Abdurrahman ibn Abi Layla. Et il a dit, j'ai entendu Al-Bara ibn Azib qui disait que la salat du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son recours, et lorsqu'il se relevait, lorsqu'il relevait sa tête du recours et son sujoud, et le temps qu'il restait entre les deux prosternations, quand il s'assoit entre les deux prosternations, c'était à peu près la même durée, c'est-à-dire à peu près égale. Et il dit, Shu'ba a dit, j'ai mentionné cela à Amr ibn Murra, et il a dit, j'ai vu la prière de Abdurrahman ibn Abi Layla, et elle n'était pas de cette manière, elle n'était pas ainsi, c'est-à-dire il ne priait pas comme ça. Après, il dit, wa rawa al-Bukhari hadha al-hadith wa ma khala al-qiyam wal-qu'ud qariban min as-sawa. وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء، فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء تارة قرب ولم يحدد وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا من بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. ومثل هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة الأولى بنحو من سورة البقرة وركع، فقال ركوعه فكان ركوعه نحو من قيامه وكذلك سجوده. ولهذا نقول نحن في أصح القولين إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية، وهو ضعيف مخالف للسنة. Donc le cheikh il dit que ce hadith a été rapporté également par l'imam al-Bukhari, excepté la mention de al-qiyam, c'est-à-dire lorsque on est debout puis qu'on récite le Coran, ou al-qu'ud, c'est-à-dire lorsqu'on est assis, soit assis entre les deux sajda, ou bien le fait qu'on soit assis pour faire le tashahud. Donc il dit que toute la prière, c'est-à-dire toutes les positions dans la prière excepté le qiyam et le dernier moment où on est assis dans la salat, quand on fait le tashahud, c'était à peu près de la même longueur. Et il n'y a pas de doute que lorsqu'on est debout, hein, on récite le Coran, hein, et que lorsqu'on est assis et qu'on fait le tashahhud, c'est un peu plus long que le reste des autres piliers de la salat. Hein, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de raccourcir la récitation quand il était debout, et il complétait le reste des yani, il complétait le reste des piliers de la salat, et donc à cause de ça, sa prière était à peu près de longueur égale, c'est-à-dire dans chaque mouvement. Et il dit, dans les deux narrations, on voit qu'il y a un accord, c'est-à-dire que chacune des deux narrations confirme l'autre, et que des fois, Al-Bara ibn Azib, il mentionne le fait que c'est les mouvements étaient proches les uns des autres, c'est-à-dire qu'il y a, dans le sens qu'il y avait à peu près la même longueur, et des fois il limite ou il spécifie, et des fois il faisait des exceptions, et des fois il délimitait les explications. Et qu'est-ce qu'on peut dire de façon générale, qu'est-ce qui est permis de dire, c'est que le qiyam avec le reste des autres piliers était à peu près, hein, de façon relative, il y en a de la même longueur par rapport à ce que les dirigeants faisaient à l'époque. Il dit qu'il prolongeait longtemps le qiyam, c'est-à-dire il récitait des longues sourates parfois, ou il récitait longtemps, puis il allégeait le ruku et le sujoud. Donc le ruku, il restait pas long, il restait très court, et le sujoud, il restait très court. Et donc on voyait une grosse différence entre les deux. Une grosse différence entre le qiyam, quand l'imam il récite, puis le ruku et le sujoud étaient très, très rapides. Donc, il dit que, donc ça c'est le contraire de la sunna. La sunna, c'est que chaque position doit être à peu près de la même longueur, et raccourcir la récitation, puis prolonger les autres piliers, les autres positions, jusqu'à ce que la prière soit à peu près de la même longueur dans chaque mouvement. Puis il dit, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit que c'était à peu près la même chose également dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait la salat de Al-Kusuf. Al-Kusuf, c'est-à-dire les prières de l'éclipse. Les prières de l'éclipse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, hein, deux rak'ah pour la prière de l'éclipse, et dans chaque rak'ah, il faisait deux ruku'. Dans chaque rak'ah, il faisait deux ruku'. Donc, première rak'ah, il faisait, il récitait Surat al-Baqarah. Dans le premier qiyam, il récitait Surat al-Baqarah au complet. Puis, il faisait le ruku'. Et comme c'est mentionné, le ruku', il durait à peu près la même durée. Hein? Mais le cheikh explique ici que son ruku' était à peu près la même durée, et son sujoud aussi. Donc, c'est une prière extrêmement longue, hein? Salat al-Kusuf. Et il dit, le cheikh, il dit, c'est pour ça qu'on dit que, selon la plus authentique, ou la plus correcte des deux opinions, parmi les opinions des ulama, c'est que le recours dans la prière de l'éclipse, ainsi que le sujoud, il est à peu près, yani, la durée du qiyam. Mais, c'est-à-dire, plus que la moitié. C'est-à-dire, plus que la durée de la moitié de la récitation. Tout au complet dans la première rak'ah. Puis dans la deuxième, il faisait un recours, et quand il se relevait du recours, il récitait encore une autre sourate très très très longue. Puis après, il faisait un recours encore, et sujoud. Après, il se relevait, faisait un autre qiyam, récitait le Coran, encore une longue sourate. Il faisait le premier recours, il se relevait, récitait encore, faisait un deuxième recours, et après, il se relevait et il faisait la prosternation. Puis il faisait le taslim. Mais c'était une prière très très très très longue. Mais pour dire que chaque position, le prophète Samson faisait à peu près de la même longueur. Mais ici, le cheikh dit, la première position des ulama là-dessus, c'est que le recours et le sujoud devaient être plus que la moitié de la durée du qiyam. Plus que la moitié. D'autres parmi les ulama comme les savants de certains madhab, il dit ashabina, donc en général c'est les hanabila, parce que les hanbali, Ibn Taymiyyah, et d'autres également, ils ont dit qu'on peut rester de la durée, yani que si l'imam a récité al-Baqara, il fait le tasbih dans le rukou et dans le sujoud, selon ou à une durée à peu près comme le temps de réciter 100 versets. Le temps de réciter 100 versets. Et il dit que ça c'est faible. Cette position-là est faible et en contradiction avec la sunna. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il va faire des commentaires maintenant sur les hadiths qui ont été mentionnés par Ibn Taymiyyah. Il dit صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعدلة في قيامها وركوعها وسجودها والاعتدال بعد الركوع والاعتدال بعد السجود والتشهد الأخير كان صلى الله عليه وسلم يعادل بين أفعال الصلاة ولا يطيل بعضها ويقصر بعضها. Donc la prière du prophète صلى الله عليه وسلم était à peu près égale dans le qiyam, dans le recours, dans le sujoud, dans le fait de se relever du sujoud, dans le fait de se relever du rukou' et de se relever du sujoud et dans le dernier tashahhud. Donc presque dans toutes les positions de la prière, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les faisait à peu près de durée égale, il faisait pas comme par exemple prolonger certaines positions puis raccourcir d'autres. Il faisait à peu près égal dans toute la prière. Cheikh Al-Fawzan dit ensuite وقوله غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث ابن الأشعث هو الذي خرج على عبد الملك بن مروان فقاتله الحجاج بن يوسف حتى تغلب عليه ولقد كانت فتنة عظيمة وقد كان في أول الأمر قائدا للجند تبعا للأمويين وكان الحجاج يرسله لقيادة الجند حيث كان يتحلى بالحنكة والشجاع ثم غرته نفسه فخرج وتبعه يعني بعض العلماء وصارت فتنته تسمى بفتنة ابن الأشعث وليس هذا محل تفصيلها والشاهد هنا أن العلماء أنكروا على هذا الإمام أن يصلي صلاة غير متعادلة ورووا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعادلة لا يطيل بعضها ويقصر بعضها. Donc le cheikh il dit qu'à l'époque de Ibn al-Ash'ath, il y a quelqu'un qui avait, un homme qui avait pris le dessus dans la ville de Kufa. Et il a pas nommé son nom. Il dit que Ibn al-Ash'ath, c'est qui Ibn al-Ash'ath? C'est un homme qui s'était révolté contre Abdul Malik ibn Marwan à l'époque. Et il a été tué par al-Hajjaj ibn Yusuf. Jusqu'à ce que il soit battu, c'est-à-dire Ibn al-Ash'ath a été battu et ça a été une grosse fitna. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que depuis que quelqu'un se rebelle contre le dirigeant, il y a toujours des fitanes, et ça a été une des fitanes qui s'était produite à l'époque. Il dit que au début c'était un des chefs de l'armée qui suivait les Umayyin, et c'est-à-dire les Khulafa al-Umawiyyin. Puis al-Hajjaj l'a envoyé comme chef d'une des armées. Puis il était connu pour son courage, sa force et ainsi de suite. Mais il a été trompé par sa personne. Il a été trompé par sa personne dans le sens que il s'est vu fort et courageux, donc il a dit bon ça y est, je vais prendre les armes puis je vais me révolter contre les dirigeants. Et certains savants l'ont suivi là-dedans et ça a été une grosse fitna, et on a appelé ça la fitna de Ibn al-Ash'ath. Et c'est pas le moment maintenant, le cheikh il dit de détailler sur cette fitna. Mais qu'est-ce qu'on veut dire dans cette histoire? C'est que les ulama à l'époque avaient critiqué le fait que cet imam prolongeait la prière, ou plutôt il priait d'une manière qui n'était pas égale. Il priait d'une manière qui n'était pas égale. Et que il a rapporté donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans sa prière chaque position il priait de manière égale, et il prolongeait pas certaines positions plus que d'autres en raccourcissant les autres. Par exemple, il faisait chaque mouvement ou chaque position, il les faisait à peu près de la même durée. Il dit, وقوله ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء وذلك لأنه لا شك أن القيام المعنى أن الصحابة وصفوا صلاته من حيث الركوع والسجود والطمأنينة في الأركان قريبا من السواء فمعنى أن صلاته كانت قريبا من السواء بمعنى أنه إذا أطال القيام يطيل الركوع ويطيل السجود إطالة نسبية لا أنه يخفف الركوع والسجود ويطيل القيام فقط بل كان يطيل في الركوع والسجود لكنه لا يجعله مثل طول القيام لأن القيام يحتاج إلى إطالة لأنه سيقرأ فيه بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن بعدها لا سيما في الركعتين الأوليين فلا شك أن أطول ركن في الصلاة هو القيام والتشهد الأخير وليس معنى أن صلاته كانت قريبا من السواء أن هذه الأركان متساوية تماما وإنما معناها أنها متقاربة فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والاعتدال والجلوس إطالة نسبية. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce que ça signifie ensuite, qu'est-ce qu'il dit par rapport au fait que il gardait la prière à peu près égale, excepté le quand il est debout pour réciter le Coran et quand il est assis pour le tashahhud à la fin. Il dit que ça veut dire que les sahaba ont décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant du recours et du sujoud, c'est-à-dire l'inclinaison et la prosternation. At-tama'nina, c'est-à-dire le fait d'être posé dans la prière, d'être tranquille, d'être en sérénité, de ne pas se précipiter, hein, de donner à chaque mouvement son temps et ça et de le faire calmement et de manière tranquille. Donc, at-tama'nina, ça doit être dans chacun des piliers de la prière. Et que les sahabes ont décrit que, donc, dans chacun de ces mouvements et de ces positions, c'était à peu près de la même longueur. Mais il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était à peu près de la même longueur. C'est-à-dire que s'il prolongeait la récitation, quand il est debout, eh bien, il allait prolonger un peu plus le recours et il allait prolonger un peu plus la prosternation, le sujoud. D'un prolongement relatif. C'est-à-dire que il ne va pas raccourcir ou alléger le recours et le sujoud et juste allonger la récitation du qiyam seulement. Hein, il ne va pas juste prolonger le recours et le sujoud ou bien raccourcir le recours et le sujoud et prolonger beaucoup la récitation du qiyam, non. Mais il prolongeait le recours et le sujoud aussi. Donc c'était à peu près égal. Hein. Il dit, mais c'est sûr que la prolongation de la récitation quand tu es debout, c'est normalement plus long. Puisque dans la récitation, dans le qiyam, quand tu es debout, tu récites le Coran. En premier, la Fatiha. Puis après, qu'est-ce que tu peux du Coran. Donc c'est sûr que la récitation et le qiyam, c'est un peu plus long que le reste. Il dit, en particulier les deux premières rak'at, parce que tu récites une autre sourate après la Fatiha. Et il n'y a pas de doute que le plus long des piliers dans la salat, c'est le qiyam et également le tashahhud à la fin de la prière. Et il dit que ça ne veut pas dire que, hein, quand on dit que toute la prière était à peu près égale, ça ne veut pas dire que yani doivent être égales absolument et exactement la même durée parfaitement. Mais ça veut dire que ça doit être à peu près ou approximativement la même durée, même si tu prolonges un peu plus la position lorsque tu te tiens debout au début, hein, et donc c'est ça. Mais tu essaies de faire en sorte que si tu prolonges la récitation, tu vas prolonger un peu plus le recours que si tu le faisais plus court. Si le qiyam était plus court, tu le laisses égal, mais si tu prolonges le qiyam, quand tu récites le Coran, tu prolonges un peu, donc ton recours va être un peu plus long que d'habitude, et ton sujoud un petit peu plus long aussi, pour que chaque position soit à peu près de la même longueur. Il dit wa qawluhu fa kullu min ar-riwayatayn تصدق الأخرى تصدق الأخرى يعني أنهم قالوا قريبا من السواء ردا على هؤلاء الأمراء الذين يجعلونها قريبة من السواء على هؤلاء الأمراء الذين لا يجعلونها قريبة من السواء بل كانوا يطيلون القيام ويخففون ما عداه. Donc ici le cheikh il dit que ces deux narrations qu'on avait mentionnées dans les hadiths sont les deux se confirment dans le sens que yani, il faisait la, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière dans chaque position à peu près de la durée égale, dans chaque position à peu près de la durée égale, et ça c'était pour réfuter les dirigeants de l'époque après yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui eux au lieu de faire la prière dans les positions de faire de façon égale, eux ils prolongeaient beaucoup la récitation dans le qiyam, puis le recours et le sujoud ils le faisaient très court, hein? Donc ça c'était pas correct. Il dit hein, comme de nos jours, tu sais, les gens ils ont malheureusement aujourd'hui l'habitude de faire ça, ils font, ils récitent une sourate très longue ou bien plusieurs versets qui prend beaucoup de temps, puis quand c'est le recours et le sujoud, il passe ça très rapidement. Le cheikh il dit wa qawluhu annahu sallallahu alayhi wa sallam salla salat al-kusuf. Quand il parle de la période de l'éclipse, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit al-maqsud annahu atala fiha al-qiyam, c'est-à-dire qu'il a dans la prière de l'éclipse, il faisait un long qiyam, c'est-à-dire il restait debout longtemps parce qu'il faisait une longue récitation. وأطال القيام فإن وإذا أطال القيام فإنه يطيل الركوع والسجود نسبيا. C'est-à-dire que s'il va prolonger le qiyam, eh bien le recours et le sujoud aussi vont être prolongés relativement. وليس معناه أنه يركع بقدر قيامه تماما. Il dit, ça veut pas dire que s'il va réciter longtemps et qu'il va être debout longtemps, qu'il va rester dans le recours et dans le sujoud de la même exacte durée de temps. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière de l'éclipse, on l'a dit, il récitait dans le premier qiyam, il récitait avec Al-Baqarah. Donc dans le recours, il faisait plus long, mais il ne restait pas nécessairement dans le recours la durée de la longueur que prend Al-Baqarah au complet. Hein? Mais c'est quelque chose qui est يعني relatif. Donc il dit le cheikh وإنما بقدر قيامه نسبيا ويسجد بقدر ركوعه نسبيا. Donc il se prosterne de la, il s'incline dans le recours d'une longueur qui est approximativement ou bien disons relativement plus longue, et la même chose pour le sujoud, relativement plus longue, hein, puisque il a récité une longue sourate. Et il dit falaysa ma'na hadha anna ruku'ahu wa sujudahu kana musawiyayn li qiyamihi fi al-imtidad wa innama yakunu dhalika nisbiyan yani idha qara'a bi surah idha qara'a surah al-baqara fala ya'ni anna ruku'ahu yakunu bi qadri surah al-baqara wa hadha la yutaq la yutaq. Donc s'il a fait Al-Baqarah dans la première dans le premier qiyam, dans la prière de l'éclipse, il a récité la Baqarah au complet, il ne va pas faire le recours et le sujoud de la même durée, parce que c'est ça, on ne peut pas, c'est trop, hein, c'est trop long, c'est trop lourd, et donc c'est pour ça que c'est relatif. Et il dit wa qawluhu inna ruku'a as-salati al-kusuf wa sujudaha yakunu qariban ya'ni anna ar-ruku'a was-sujud as-salah was-sujud salat al-kusuf muqaribun lil-qiyam. Donc c'est un peu plus proche que du qiyam, mais c'est pas nécessairement la même longueur exactement. Ensuite le cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne d'autres hadiths. Il dit wa kadhalika rawa muslimun fi sahihi عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع والذكر ما يصدق حديث أنس والبراء. وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحوا من قيامه، ويرفع نحوا من ركوعه، ويسجد نحوا من قيامه، ويجلس نحوا من سجوده. ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره صلى الله عليه وسلم، وبلغ ذلك الصحابة، فإنه لما صلى على المنبر قال: فإنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc le cheikh il mentionne encore d'autres hadiths, le hadith rapporté par Muslim aussi selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu et d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait après s'être relevé du ruku', il mentionnait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait comme dua en se relevant du ruku', et ça confirme ce qui a été mentionné dans le hadith de Anas et le hadith d'Al-Bara ibn Azib. Tantôt on a mentionné le hadith quand il disait: Allahumma rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban, rabbana lakal hamd, oui c'est ça, rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd la mani'a lima atayt wa la mu'ti lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Il y a différentes narrations. Moi, qu'est-ce que j'ai appris? C'était Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Donc ça c'est des exemples de dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en se relevant du ruku'. Aujourd'hui les gens en général ils se limitent à dire Rabbana wa lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, et puis après il fait le sujoud, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois il prolongeait le dua et il le faisait un peu plus long, et les gens sont pas habitués de prolonger le qiyam après le ruku'. Au contraire, même ils le raccourcissent parfois trop. C'est-à-dire, ils le font tellement rapide. C'est-à-dire, Rabbana lakal hamd, automatiquement ils se prosternent tout de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait mentionné dans le hadith, dans les deux cours précédents, je crois, deux cours avant, les sahaba disaient, il restait parfois après le ruku' tellement longtemps qu'on se demandait, est-ce qu'il a oublié de se prosterner. Et la même chose aussi par rapport au jalsa. Quand il s'assoit après la première prosternation, il s'assoit et il restait assis dans cette position avant de se reprosterner une deuxième fois. Et les gens disaient, est-ce qu'il a oublié? Tellement il restait longtemps, tu vois. Donc c'est pour dire que le prophète, parfois, il prolongeait le qiyam après le ruku' et le jalous après la première sajda. Après, il dit le cheikh que c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa salat surérogatoire, parfois il priait la nuit. Et il priait seul la nuit chez lui. Et lorsqu'il priait seul, il prolongeait comme il voulait. Il prolongeait comme il voulait. Et il récitait dans une raka, al-baqara, al-imran et an-nisa. Dans une raka'a, na'am, subhanallah. Et il faisait le ruku' à peu près la même durée que la récitation de ces trois sourates. Et il se relevait du ruku' de la même durée que son ruku'. Comme si après le ruku' il se relevait, il restait debout la même durée qu'il s'était resté en ruku. Puis il se prosternait la même durée que son qiyam, et ainsi de suite. Hein? Il s'assoyait entre les deux sajda la même durée. Donc ça veut dire qu'il faisait peut-être comme ça, raka'atayn, ça pouvait lui prendre peut-être yani, des heures pour terminer yani, deux raka'at. Hein? Donc c'est pas ça, c'était vraiment yani, une adoration très profonde, hein? Très yani, perfectionnée. C'est pas une prière comme ça qu'on fait, comme nous on fait là. Raka'atayn, ça prend deux minutes. Le prophète Sansam lui ça lui prenait peut-être 4 heures ou même 5 heures pour faire 2 raka'a. Hein? Donc ça c'est yani, bien entendu le degré c'est différent puisque le prophète Sansam c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa hadha al-qiyam وهذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره. Donc il dit que dans le hadith de Anas qu'on a lu déjà précédemment, où on mentionne que la prière du prophète صلى الله عليه وسلم elle était légère, elle était allégée, et qu'il a ordonné de l'alléger. Il dit que ça c'est quelque chose qui a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son agissement et dans son ordre. Et c'est une chose qui a été transmise par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour les sahaba sur le mimbar et il leur a dit « J'ai prié sur le mimbar pour que vous voyiez ma prière et que vous la preniez comme exemple et que vous appreniez comment je prie. Hein? » Et il a dit également, comme c'est rapporté selon Malik ibn al-Huwayrith et son compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez de la manière dont vous m'avez vu prier. Priez de la manière dont vous m'avez vu prier. « Sallu kama ra'aytumuni usalli. » Et il dit « Dhalika annahu ma min fi'lin fil ghalib » إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه فلا حد له في اللغة وليس الفعل في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاصطياب وإحياء الموات حتى يرفع إلى حده إلى عرف اللفظ بل هو من العبادات والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. Donc le cheikh ici il explique que en général quand on utilise le terme de faire plus légère ou bien plus courte, c'est par rapport à qu'est-ce qui est plus long. Et il dit que même quand on dit quelque chose de plus long, c'est toujours par rapport à qu'est-ce qui est plus court. Et il n'y a pas de limite hein, de durée par rapport à la langue. Hein, et ça, parce que il dit les actes de la prière, ça ne fait pas partie des habitudes, ça fait partie des adorations. Donc ça doit être déterminé par la charia et non pas par les coutumes ou les habitudes des gens, contrairement à d'autres règles de la charia qu'on détermine par rapport à qu'est-ce qui est connu par les gens, qu'est-ce qui fait partie de leurs mœurs ou de leurs coutumes ou de leurs traditions. Ici, étant donné que c'est une adoration, on peut pas retourner à la langue ou à qu'est-ce qui est connu par rapport aux coutumes des gens, aux habitudes des gens. Il faut retourner à la charia pour le définir, c'est-à-dire pour déterminer qu'est-ce qui est court ou qu'est-ce qui est plus long. Ok, il explique ici le cheikh que qu'est-ce qui est court ou qu'est-ce qui est long, c'est pas déterminé par qu'est-ce que les gens font ou qu'est-ce que les gens prennent, par les habitudes des gens ou par leurs coutumes ou par leurs traditions. Hein, ou par comment les gens le font dans leur pays ou dans leur quartier ou dans leur mosquée. mais ça doit être déterminé ou défini par la charia, c'est-à-dire par le Coran ou par la sunna. D'accord ? Et le cheikh, il continue, il explique yani, que la prière fait partie des adorations, et les adorations, tout ce qui a rapport avec l'adoration dans sa description, dans sa quantité, dans sa proportion, on doit retourner dans ça à la, au législateur, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Donc, comme de la même manière que dans sa base, on retourne à la législation d'Allah, et bien dans toutes les descriptions de cette adoration-là, et dans ses proportions, et dans, ses, dans sa durée, on doit retourner aussi au législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit wa li annahu law jaza ar-ruju' fihi ila 'urf an-nas fi al-fi'l aw fi ma yusamma aw fi ma yusamma at-takhfif la ikhtalafat as-salat ash-shar'iyya ar-ratiba allati yu'maru biha fi ghalib al-awqat عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو القصر أو القصر اختلافا متباينا لا ضبط له ولكان لكل أهل عصر ومصر بل لكل أهل حي وسكة بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ في عد وفي عادة الفعل مخالف لعرف الآخرين وهذا مخالف لما أمر الله ورسوله به من حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك فإنه يقتضي إلى يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة أو بنقص وإما بنقص وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. Donc le cheikh il explique justement que yani, si c'était permis de revenir à la tradition et aux coutumes dans ce genre de choses, eh bien yani, si on délimitait qu'est-ce qui est le fait d'alléger ou de prolonger en se basant sur les pratiques des gens ou leurs coutumes ou leurs traditions, eh bien la salat légiférée et qui est ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans la plupart des cas ou dans la plupart des temps, eh bien on verrait des divergences entre les prières longues et courtes. Yani, il n'y aurait aucun moyen de délimiter ou de spécifier, de déterminer la longueur de la prière, comment elle doit être. Et donc, chaque personne, à n'importe quelle époque, ou chaque personne a, dans différentes villes, dans différentes époques, déterminerait par lui-même, yani, la durée ou la longueur de la prière. Et chaque quartier, chaque région, chaque quartier, même chaque mosquée, hein, les gens auraient une définition différente de qu'est-ce que signifie la prière longue ou courte. Et ça, c'est yani, ça veut dire que chacun aurait des coutumes différentes et des traditions différentes par rapport à ça. Et ça, c'est en contradiction avec ce que Allah et son messager ont ordonné, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prier comme on l'a vu prier. Il a dit prier comme vous m'avez vu prier. Il n'a pas dit prier comme les gens de votre région prient, de façon courte ou selon ce qu'ils ont pris comme habitude. Mais il dit, je connais personne d'entre les savants qui a dit ça, hein, de prier chacun selon la durée qu'ils ont l'habitude de prier ou des choses de ce genre. Et il dit que ça peut même amener jusqu'à changer même la charia et faire mourir les exemples et les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit en ajoutant ou en diminuant. Et donc c'est ça qui est indiqué par l'exemple de toutes les narrations qui ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Al-Fawzan il commente maintenant sur ces paroles de cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et il fait un commentaire qui est assez long, hein, à ce sujet là donc on va lire qu'est-ce qu'il nous dit ici. Il dit وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع إذا صلى بالليل وحده طول Donc, Cheikh Al-Fawzan, il cite donc la parole d'Ibn Taymiyyah, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prolongeait la prière de la nuit lorsqu'il priait tout seul, et il dit, hey, أنه إذا صلى بالناس في الفريضة يراعي أحوال المأمومين فيطيل من غير أن يمل الناس ويخفف من غير أن يخل بالصلاة ولهذا قالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف مع تمام وأما إذا صلى وحده فإنه كان يطيل القيام والركوع والسجود. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait avec les gens dans la mosquée, la prière obligatoire, il tenait compte de l'état des gens qui sont derrière lui. Et il n'allait pas prolonger la prière d'une manière qui allait les ennuyer, et il n'allait pas non plus alléger la prière d'une manière qui allait rendre la prière déficiente. Hein? Et c'est pour ça qu'ils ont dit, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était allégée, mais parfaite et complète. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent, c'est-à-dire que lorsqu'il priait tout seul, il prolongeait. Mais quand il priait en jama'a avec les autres, il tenait compte des gens derrière lui. Il dit, فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الرُّكُوعَ وَالْقِيَامُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. Donc, quand il priait tout seul, il prolongeait la récitation quand il était debout, et l'inclinaison quand il faisait le recours, et la prosternation quand il faisait le sujoud. Comme dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, قال, صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المية ثم مضى إلى أن قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس أو إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء لأنه إذا صار وحده لا يشق على أحد وإذا اختار التطويل فليطول. Donc le cheikh il dit ici que c'est comme dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman. C'est dommage, il ne l'a pas cité au complet, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Et il dit que Hudhayfa a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit. Et il dit qu'il a commencé à réciter la Baqara. Il a dit, ah, sûrement il va réciter 100 versets, puis après il va faire recours. Mais il a continué. Il a continué. Puis après, il a fait finalement le recours. Puis il a dit, il a commencé à dire Subhan Rabbi al-Azim, et son recours était proche de la durée de son qiyam, c'est-à-dire proche de la durée de quand il récitait. Et donc il dit وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc ça c'est comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, si vous priez pour les gens, c'est-à-dire vous êtes imam et les gens prient derrière vous, alors dans ce cas-là, allégez votre prière, parce que derrière vous il y a la personne âgée, la personne faible, la personne qui a quelque chose à faire, qui est occupée, qui a un besoin ou des choses comme ça. Donc si vous priez pour vous-même, prolongez votre prière comme vous voulez, mais quand vous priez pour les gens, que vous êtes imam pour les gens, dans ce cas-là, allégez la prière. Il dit, parce que quand il est tout seul, c'est pas difficile pour les gens. Ça va pas rendre la prière difficile pour personne, parce qu'il est tout seul et il prie tout seul. S'il veut prolonger, il peut prolonger comme il veut, quand il est seul. Il dit, وهنا لابد من الإشارة إلى أن المسلم وإن صلى وحده فلا بد أن تكون الصلاة متناسبة فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. Donc il dit que il y a un point important à mentionner ici, c'est que le musulman, même quand il prie tout seul, sa prière doit être à peu près égale. s'il prolonge le qiyam, il récite une longue sourate, eh bien, yani, il doit essayer de faire en sorte que son recours et son sujoud soient à peu près de la même durée. Hein? Et s'il raccourcit le qiyam, la récitation, quand il récite, eh bien, il doit également raccourcir le recours et le sujoud. Donc, il faut être égal dans la prière. Si tu vas prier la nuit, tu te lèves la nuit pour faire des prières de la nuit, une prière nocturne, bien, donc tu ne vas pas réciter comme par exemple une sourate, je ne sais pas moi, une prière, une sourate très très longue, puis après tu vas faire recours, tu vas dire Subhan Rabbi al-Azim trois fois, puis après tu te relèves. Parce que si tu fais ça, ce n'est pas égal. Hein? Si tu vas réciter par exemple, je ne sais pas moi, une sourate qui est très longue dans la nuit, comme sourate Yusuf par exemple. Tu vas réciter dans la nuit, tu te lèves, tu as envie de prier, tu dis je vais réciter dans la première rak'at, je vais réciter sourate Yusuf. Donc tu récites sourate Yusuf, après tu fais recours, tu dis Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, tu te relèves. Là, c'est pas correct. Parce que ton recours, il doit être à peu près plus long, comme la même manière que tu as prolongé ton qiyam, tu devrais prolonger ton recours. Hein? Donc, tu vas pas juste dire trois fois Subhan Rabbi al-Azim, tu vas le dire plus longtemps, puis tu vas faire des invocations pour que ton recours soit plus long. D'accord? Bah, comme les invocations qui sont mentionnées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi plusieurs fois, hein? Puis après il y a d'autres invocations que tu peux apprendre dans la sunna, comme ouais, c'est ça. Non. Donc il y a d'autres, puis il y a beaucoup d'autres aussi. Donc tu peux regarder dans les livres par rapport au adhkar à faire. Tu veux dire regarder le livre puis l'utiliser pour faire les adhkar dans la prière? Oui, pour apprendre. Pour apprendre, c'est permis de faire ça. C'est permis d'avoir le livre avec toi pour lire les adhkar, pour les apprendre pendant la prière, si tu ne les sais pas par cœur. Oui, non, pas de problème. D'accord? Et il dit ensuite le cheikh, donc c'est la même chose pour le recours, puis c'est la même chose pour le sujoud. Et il dit, وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ووضح هذا المعنى بفعله فإن الصحابة رضي الله عنهم رمقوا صلاته ففعلوا مثل ما فعل ونحن لسنا نطالب الأئمة والمصلين في صلاتهم أن يصلوا مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما فإن هذا قد لا يطاق ولكن عليهم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة بحيث أن يصلوا صلاة معتدلة إتماما وتخفيفا يعني إتماما يعني تطويل من غير إملال ومشقة وتخفيفا من غير إخلال بالصلاة. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit priez comme vous m'avez vu prier. Priez de la manière dont vous m'avez vu prier. Le prophète صلى الله عليه وسلم a clarifié et a expliqué sa prière par son exemple. Et les sahaba ont imité la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont prié de la même manière qu'ils l'ont vu prier. Et donc, le cheikh il dit, nous, on ne demande pas aux gens, aux imams de mosquée et aux gens qui prient, de prier exactement la même prière, hein, 100% exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ça c'est quelque chose que peut-être qu'on ne sera jamais capable de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, ils doivent essayer le plus possible, en général, hein, de façon générale, de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière que leur prière soit équilibrée. et modérée. C'est-à-dire qu'elle va être complète et elle va être légère. Elle va être complète et elle va être légère en même temps. C'est-à-dire que complète dans le sens que elle va pas être yani, très longue au point de, d'être lourde et ennuyante, et elle va pas être non plus trop légère de façon à ce que ça yani, ça amène que ta prière ait des déficiences ou des manquements. Comme ceux qui prient tellement vite, ils prient tellement rapidement que on dirait qu'ils font la course. Hein? Et tu les vois, yani, ils prennent même pas deux secondes pour yani, se recueillir dans la prière, faire preuve de d'humilité dans la prière. Non, c'est comme des... C'est comme si le but de leur prière, c'était de terminer le plus rapidement possible. Donc, où est-ce qu'il y a le recueillement là-dedans? Où est-ce qu'elle est la dévotion dans cette prière? Hein? C'est pas correct. Donc, le Cheikh, il dit, « وَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْقُوَّةِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْخَيْرِ مَا لَمْ يُعْطَ غَيْرُ » Il dit que le prophète, صلى الله عليه وسلم, Allah lui a donné de la force et un désir d'aimer le fait d'aimer le bien et de désirer le bien, il avait ça d'une façon que personne d'autre que lui n'a reçu. Et il dit فَقَدْ قَامَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ حَتَّى تَفَطَّرَتْ قَدَمَهُ يعني وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ. Donc le cheikh, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, il priait la nuit des fois. Il restait debout à un point que ses pieds, il y avait des, il se craquait en dessous. À force de rester debout dans la prière, tellement longtemps, ses pieds commençaient à craquer. Hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, qui est capable de faire ça? Le cheikh, il dit, qui est capable de faire ça? Il dit, « Wa qara'a bil baqarati wa ala imrani wa nisa fi salatin wahida. Faman yutiqu hadha » Il dit, c'est qui est capable de prier dans la prière de la nuit? Il récite Al-Baqara, Al-Nisa, Al-Imran. Hein? Subhanallah. Et son ruku et son sujud étaient presque la même durée que la récitation qu'il avait faite dans cette prière-là. Hein? Mais, il dit le Cheikh, mais, walakin al-maqsoud, il dit, وَكَانَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ لَكِنْ الْمَقْسُودُ الْاِقْتِدَى بِهِ فِي الْجُمْلَةِ. لذلك لما صلى الصحابة القيام في رمضان في خلافة عمر رضي الله عنه خلف إمام واحد صلوا 23 ركعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 أو 13 وذلك لأنهم خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات Rahmatan bil ma'moumin. Donc le cheikh, il dit, regardez l'exemple, hein, que il dit le sens général, qu'est-ce qui est yani, voulu, c'est qu'on suive l'exemple de façon générale, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas de faire exactement comme lui, parce qu'on risque de ne pas être capable. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il donne l'exemple de des sahaba, comment ils priaient dans le Ramadan. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab a réuni tous les musulmans pendant le Ramadan derrière un seul imam pour faire le tarawih. Hein? Et vous savez l'histoire, que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont fait pendant 3 nuits. Puis après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté de le faire parce qu'il craignait que ça devienne obligatoire. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est resté comme ça. Chacun priait séparément. À l'époque de Abu Bakr, c'était la même chose. Les gens priaient séparément dans le Ramadan, dans la mosquée, les gens priaient la nuit, mais priaient séparément. Puis, Omar ibn al-Khattab est venu, puis il a dit, bon, je vais mettre tout le monde derrière un seul imam dans la mosquée pendant le Ramadan pour que les gens prient le tarawih. Parce que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait arrêté de le faire n'existait plus, puisque le Coran était terminé. Hein? Donc il craignait plus que ça devienne obligatoire maintenant. Alors il les a mis derrière un seul imam et il priait 23 rak'a. Il priait 23 rak'a. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne priait jamais plus que 11 ou 13 rak'a la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit pourquoi ils ont rajouté le nombre de rak'at, parce qu'ils priaient des rak'at moins longues. Ils priaient des rak'at moins longues. Donc, pour compenser la durée, ils ont rajouté un nombre de rak'at. Et ça, c'est par miséricorde pour les musulmans qui sont derrière l'imam. Et il dit « والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة لكنهم لا يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فخففوا الصلاة مع زيادة العدد رحمة بالناس. » Donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم faisait 11 ركعة ou 13 ركعة, mais les gens n'étaient pas capables d'endurer la durée de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors au lieu de faire 11 ou 13, il faisait 23, mais plus courte. Donc ils ont diminué dans la durée, mais augmenté dans le nombre, par miséricorde pour les gens. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit لِأَنَّ النَّبِيَ sallallahu alayhi wa sallam لَمْ يُحَدِّدْ فِي رَمَضَانَ عَدَدًا مُعَيَّنًا بَلْ رَغَّبَ فِي الْقِيَامِ وَقَالَ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفْ كتب له قيام ليلة وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc c'est ça. Ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas déterminé un nombre spécifique de rak'at à faire pendant le Ramadan, pendant le Tarawih. Mais il a incité les gens de prier et de faire le qiyam, et il leur a dit quiconque prie avec son imam jusqu'à ce qu'il s'en aille, jusqu'à ce qu'il termine dans le tarawih, eh bien on lui écrira comme s'il avait prié toute la nuit. Ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans la sunna. C'est rapporté selon Abu Daoud, Ibn Majah, An-Nasa'i, selon Abu Dharr. Donc, et il dit dans un autre hadith, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est-à-dire celui qui prie dans le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, eh bien, il sera pardonné tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu. Et ça c'est une question. À chaque année, les gens posent la question par rapport à ça. Dans le Ramadan, est-ce qu'on doit faire 11 rak'at ou 23 rak'at ou 21 rak'at ou des choses comme ça. Et comme le cheikh il le dit, c'est comme par exemple, vous voyez tous les ulama en Arabie Saoudite, eh bien eux ils disent, tu peux faire 23, tu peux faire 21. Et à la Mecque et à Médine, ils font, il y en a 23 ou il y en a comme ça, 21 ou 23. Et dans d'autres mosquées, tu vois, comme Cheikh Al-Albani lui disait, non, nous on fait juste 13 ou on fait juste 11, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dépasse pas. D'accord? Et yani, donc on voit que de toute façon, comme il y a des salafs qui l'ont fait, on voit que l'exemple des salafs est clair à ce sujet-là, que certains ont fait 23 et que les ulama les ulama salafiyin qui sont par exemple en Arabie Saoudite, eux-mêmes ils font 23, donc il n'y a pas de problème de le faire s'ils le font. Mais ils ont dit celui qui fait 11 et qui les fait longues comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas là c'est le mieux. Ça c'est qu'est-ce qui est mieux, parce que c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si quelqu'un par exemple fait 23 et il lui fait plus courte, ça aussi c'est correct, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ils vont réciter surat ouais. Dans chaque rak'a, il va réciter ça, la même sourate. Même il y en a qui font la course. J'ai vu ça une fois sur YouTube. Il y a un frère qui nous avait envoyé la vidéo. Je pense que c'était en Indonésie. Il priait 23 rak'at en 7 minutes ou 8 minutes. C'était vraiment exactement, c'était de la gymnastique. Et je pense que l'imam il restait la Fatiha, et après il disait comme un frère de la Côte d'Ivoire m'avait dit, dans certaines mosquées, il prend un des plus courts versets dans le Coran, je pense que c'est Mudham Matan, dans Surat Al-Rahman. Donc il récite Al-Fatiha, après il dit Mudham Matan, et puis il fait Allahu Akbar, il se prosterne. Donc ça, yani c'est comme on dit, hein, c'est presque se moquer de la salat, prier comme ça. C'est vraiment yani, inacceptable, puis c'est pas correct. Donc on voit ça aussi dans les mosquées, des frères, ceux par exemple qui viennent du Pakistan, les Ahnaf, et de la Turquie aussi. Ils font 23 rak'at, mais ils les font rapides. Et même l'imam, il récite le Coran à une vitesse... folle. Même pas le temps de méditer sur le sens des versets, sur la parole d'Allah, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran. Le but justement de réciter le Coran dans le Tarawih et de l'entendre dans la récitation, justement, c'est pour justement méditer sur les sens du Coran et pour se rappeler d'Allah, puis profiter des sens de qu'est-ce que signifie justement la parole d'Allah. Bien entendu, si on comprend la langue arabe, ça aide à faire ça. Et donc c'est pour ça que c'est important donc de prendre son temps à faire la récitation pour pouvoir être mieux concentré. Mais souvent c'est ça, c'est que dans les pays comme ça, par exemple la Turquie, le Pakistan, les gens ne sont pas arabes. Ils sont pas arabophones, ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils récitent, puis ils comprennent pas non plus qu'est-ce qu'ils entendent. Alors ils prennent ça juste comme pour la baraka, ou je sais pas, ils font juste réciter comme ça pour dire que ils ont la baraka ou bien la récompense de la récitation, puis ils prennent pas le temps de méditer ou de réfléchir sur qu'est-ce qu'ils récitent, et donc ils vont très très rapidement. Puis à la fin, Annie ne profite pas. Et je me rappelle une fois parce que ma petite sœur, elle avait des amis turcs, des filles turques qui étaient ses amies à l'école. Puis une fois, ma sœur est allée dans leur mosquée avec elle. Puis elle est revenue à la maison, elle a dit, mais parce que ses amis turcs, elle dit à chaque fois, elle disait, vous priez seulement 11 rak'at dans votre mosquée. Nous, on fait 23. Comme si elle parlait de cette façon-là pour dire à ma sœur, en voulant dire, Yanni, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est mieux parce qu'on fait plus que vous. Vous faites seulement 11. Alors, ma sœur est allée avec ses amis pour prier dans leur mosquée. Alors, elle a dit, tellement ils allaient vite, j'arrivais même pas à suivre. Alors, ma sœur leur a dit, d'accord, maintenant, j'ai été dans votre mosquée, maintenant vous allez venir prier dans la mosquée où je prie moi aussi, pour faire 11 rak'at. Et là, elles sont venues, et elles ont dit, ah, subhanallah, ces 11 rak'at là, c'est très long. Ils étaient même pas capables de les finir tellement c'était long pour elles. Donc c'est pour dire, l'important c'est pas seulement de faire un grand nombre, c'est pas la quantité, mais c'est la façon dont tu les fais. Est-ce que tu les fais bien ou que tu les fais juste comme ça, juste pour dire que tu les fais, tu veux en faire le plus possible. Sinon on peut faire 100. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas les faire quoi, 2 secondes à chaque tu vas faire la course comme ça? Ça c'est pas correct. Après le cheikh il dit wa qawluhu wa dhalika annahu ma min fi'lin fil ghalib illa wa qad yusamma khafifan bin nisbati ila ma huwa atwal minhu wal maqsud anna mas'alat at tatwil wat takhfif mas'ala nisbiyya la hadda laha لذلك يرجع فيها إلى العبادات يرجع فيها أي العبادات إلى الشارع فنحن نرجع في التخفيف والتطويل إلى ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته ونرجع لا نر ولا نرجع إلى عرف الناس لأن الناس يختلفون وهذه أمور عبادة إنما يرجع فيها إلى القرآن والسنة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il parle par rapport à qu'est-ce que le cheikh a dit au sujet de la longueur, d'alléger ou de prolonger. Il dit ça c'est des choses qui sont définies, qui doivent être définies par la charia et non pas par l'habitude des gens ou les traditions ou les coutumes. Sinon tout le monde va diverger. Et tout le monde a des notions différentes par rapport à ça. Pour quelqu'un, tu vas faire une prière courte, il va dire que c'est trop long. Pour l'autre, tu vas faire une prière longue, il va dire non, c'est trop court. Pourquoi? Parce que la notion qu'ils ont de long et de court, c'est pas les mêmes. Hein? Donc, pour certaines personnes, tu vas réciter Amma yatasa'aloun, c'est long. Hein? C'est trop long. Ils vont dire, ah, mais toi, tu récites des sourates trop longues dans la prière. Et tu dis, quelle sourate? Tu dis, Amma yatasa'aloun. Ah non, ça, c'est trop long. Récite, Qul hu Allahu ahad. Hein? Donc, pour lui, Amma yatasa'aloun, c'est trop long. Alors que ces deux pages du Mus'haf, yani, al-Madani, hein, qu'on récite, c'est deux pages seulement. Alors que, des fois, d'autres personnes vont réciter, par exemple, quatre pages. Hein? Puis pour eux, ça c'est normal. Ils vont réciter deux pages dans la première rak'at, deux pages dans la deuxième rak'at. Et ils ne vont pas trouver ça long. Donc, on ne laisse pas ça aux gens et comment eux, ils veulent. Mais on regarde l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comment sa prière était. Et c'est comme ça qu'on va savoir qu'est-ce que c'est la longueur ou la raccourci. Ça me fait un peu penser aussi à l'exemple de qu'est-ce que certaines personnes disent, par exemple l'extrémisme et par exemple qu'est-ce qui est extrémiste et qu'est-ce qui est modéré. Donc il y en a qui vont dire ah tel musulman c'est un musulman extrémiste et l'autre ah lui c'est un musulman modéré. Mais sur quoi ils se basent pour dire qu'est-ce qui est modéré et qu'est-ce qui est extrémiste? Ils se basent sur la tradition des gens ou sur les coutumes des gens, comment ils font, par exemple, dans tel pays ou à tel endroit. Et c'est la même chose que qu'est-ce qu'on est en train de parler maintenant. Si on doit déterminer qu'est-ce qui est l'extrémisme et qu'est-ce qui est la modération, ça doit être déterminé par la charia, par l'islam, pas déterminé par les gens qu'est-ce qu'ils pensent selon leurs coutumes et leurs traditions. Parce que sinon, chacun va dire selon ses passions, ça c'est extrémiste. Hein? Et l'autre va dire, non, ça c'est pas l'extrémisme. L'autre, peut-être que, yani, qu'est-ce qui est modéré, il va dire que c'est de l'extrémisme. L'autre, qu'est-ce qui est extrême, il va dire, non, ça c'est de la modération. Hein? Et l'autre, qu'est-ce qui est laxiste, il va dire, ça c'est de l'extrémisme. Donc, chacun, il va dire selon son point de vue. Hein? Ouais, c'est ça. Exactement. Ou quelqu'un, par exemple, il fait 5 prières par jour. Ah, ça, c'est un extrémiste, il prie 5 fois par jour. Alors que c'est le minimum. Hein? Oui, oui. Non. Bon, ça, c'est un bon exemple. C'est ça. En France, ils ont fait un site internet et ils ont dit comme on veut comme par exemple avertir les musulmans et les non-musulmans par rapport à la radicalisation. Donc ils ont fait un site et dans ce site ils ont dit par exemple voici quelques signes de radicalisation si votre fils ou votre fille commence à faire telle chose, ça c'est un signe qu'il se radicalise. Puis quand tu regardes les signes, tu vas dire mais ça, certains d'entre les signes, ça c'est pas de la radicalisation, c'est exemple de qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Exactement. Oui, c'est ça. Si t'es contre, par exemple, tu n'es pas d'accord avec l'homosexualité, la sodomie ou des choses de ce genre, tu condamnes ça, donc ils vont dire, ah, ça c'est du radicalisme. Tu laisses pousser ta barbe, c'est du radicalisme. Une femme commence à porter le hijab, ou elle met le niqab, des choses comme ça, c'est du radicalisme. Tu laisses tes pantalons en haut de la cheville, Ça, c'est du radicalisme. Coupe la moustache, des choses comme ça. T'écoutes plus de musique, radicaliste. Tu sers plus la main aux filles, radicaliste. Tu vas pas dans les discothèques ou des trucs de ce genre, radicalisme. Radicalisation. Ben, c'est n'importe quoi. Parce que tout bon musulman, il respecte ça. Il va faire ces choses-là. Mais ils savent pas où tracer la ligne. Ils savent pas où. Parce qu'ils se basent pas sur la charia de l'islam. Nous, on va dire, si tu commences à faire le takfir des musulmans, sans preuve, si tu commences à parler ouvertement, publiquement contre les dirigeants et à les insulter, si tu commences à, et ainsi de suite, tu commences à écouter certains prêcheurs ou certaines personnes qui appellent à la pensée des khawarij, si tu commences par exemple à plein d'exemples comme ça. Donc tu vas dire, ça c'est des signes de radicalisation ou d'extrémisme ou de danger de tomber dans la voie des khawarij ou dans la voie des gens de bid'ah. Là on met en garde. Mais si c'est des choses basées sur l'opinion des gens ou des choses de ce genre, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il n'y aura pas moyen de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans. Et qu'est-ce qui est triste, c'est que les kuffars, quand ils demandent à des gens qu'ils considèrent eux comme étant des spécialistes de s'adresser sur ces sujets-là, de parler de ça, tu regardes qui ils choisissent ou qui ils prennent, c'est des psychologues et des sociologues, des gens qui n'ont aucune connaissance de la religion. Les islamologues, c'est soit des sociologues ou des psychologues ou des gens de ce genre. C'est pas des gens qui ont étudié la religion. Donc comment tu peux espérer que ces gens-là comprennent qu'est-ce que c'est être un radical ou non? Quelqu'un qui pratique même pas l'islam du tout, qui fait rien, qui pratique rien, qui peut-être même qui croit en rien, puis après ça il dit ouais, moi je suis spécialiste des questions de radicalisation. Non, mais celui qui veut comprendre, il comprend. Mais celui qui veut, il veut pas. C'est ça. En fait, ils veulent pas comprendre. C'est des gens qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils amènent ces gens-là. Pourquoi ils prennent pas des gens qui sont spécialistes dans la religion? La raison pourquoi, c'est parce que ils veulent pas déterminer les choses par rapport à qu'est-ce que disent ou qu'est-ce que pensent les savants de l'islam et les croyants. Mais ils veulent déterminer les choses par rapport à qu'est-ce qui va en accord avec leurs intérêts à eux et qu'est-ce qui est déterminé par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent dans leur système. Et c'est pour ça qu'ils ramènent des gens qui sont d'accord avec eux dans leur fondement et qui vont interpréter les choses à la façon qui va faire leur affaire. Et c'est pour ça. C'est pour ça que c'est un dialogue de sourds avec ces gens-là et qu'ils ne veulent pas écouter la vérité et que nous, on ne veut pas. Non. Exactement. Bon, hier, je me rappelle plus si c'était le matin, oui. J'ai pris la voiture. Avant hier. Je partais pour aller faire parce que j'ai fait la aqiqa pour mon fils. Et j'allais pour acheter les moutons. Puis, subhanallah, j'allume la radio. Puis, je tombe sur la fin d'une entrevue avec un auteur d'un livre, j'ai oublié le titre en tout cas. Et là, il disait à la fin, il faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, c'est un islamisme, c'est le wahhabisme. Et le wahhabisme, c'est le rigorisme, c'est la rigueur, c'est la, ci et ça. Donc, moi, j'entendais j'écoutais ça, puis je me disais, subhanallah. Donc, c'est eux qui déterminent arbitrairement, qu'est-ce que c'est un islamiste, qu'est-ce que c'est un radicalisme, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est des choses de ces définitions-là. En fait, c'est des mots qu'ils inventent puis ils les définissent arbitrairement comme ils veulent pour mettre qui ils veulent dans l'étiquette qu'ils ont inventée, puis pour mettre à l'écart justement ces musulmans-là, puis dire il faut faire une différence entre l'islam et l'islamisme et le radicalisme. Il dit, nous, l'Occident n'est pas contre l'islam, mais il est contre l'islamisme. Mais tu dis, mais c'est quoi la différence entre l'islam et l'islamisme? ça devient n'importe quoi. Parce que si tu dis que l'Arabie Saoudite c'est l'islamisme, c'est pas l'islam, et que qu'est-ce qu'ils enseignent c'est pas l'islam mais c'est un islamisme, donc moi je me dis dans ce cas-là, est-ce que l'Arabie Saoudite se base pas sur le Coran et sur la Sunna, hein? Donc c'est pour ça, je veux dire c'est arbitraire leur définition, puis à la fin ça amène bien entendu à rejeter la charia. C'est ça le but, de rejeter la charia et l'islam. D'accord. Donc après le cheikh il dit wa amma alladhi yurja'u fihi ila al-'urf fa yakunu fi masa'il al-amwal wan-nafaqat wa kiswat an-nisa wal-maqsud bil-'urf ma ta'arafa 'alayhi an-nas fi ta'amulatihim wa umurihim al-'adiyyah. Donc le cheikh il dit les choses dans lesquelles on revient aux coutumes et aux traditions, ce sont des questions qui ont rapport à l'argent, au bien, aux dépenses, hein, les choses que tu dépenses pour ta famille, les gens qui ont un droit sur toi que tu dois dépenser pour eux, hein, tes parents, tes proches, ton épouse, hein, ta famille, tes enfants, les vêtements que tu achètes pour tes femmes et des choses de ce genre, c'est ça ce qu'on veut dire. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la coutume ou al-urf? Il dit c'est ce que les gens ont pris l'habitude de connaître, de faire dans leurs interactions et dans leurs affaires habituelles. Chaque société, ils ont des traditions et des coutumes, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui, parfois, dans la charia, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous réfère à al-urf, ok? Et souvent, les questions qui ont rapport, par exemple, aux interactions entre époux, hein, un homme avec sa femme et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'agir avec nos femmes bil ma'ruf. Al ma'ruf, c'est ça, al urf. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est connu? Comment les hommes et les femmes agissent entre eux dans une société quelconque? Et dans les pays musulmans, les gens, ils ont des traditions et des coutumes, tant que c'est pas en contradiction avec la charia de l'islam. Dans ce cas-là, c'est de la manière comment on doit agir. Si par exemple, dans tel pays, par exemple, la tradition, c'est que j'écoutais un cheikh, il disait ça. Il disait si dans une famille, par exemple, une femme, habituellement, dans sa famille, il n'y a aucune femme qui travaille. Aucune femme de sa famille, personne qui travaille. Puis toi, tu vas épouser cette femme. Eh bien, si l'habitude qu'elle est là dans sa famille, elle travaille pas, dans le sens qu'elle ne travaille pas, je veux dire, elle ne fait pas le travail de la maison. Parce qu'elle a grandi avec une servante, ou quelqu'un qui travaille, qui fait le travail à la maison, le ménage, le repassage, la nourriture et tout et tout. Elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas repasser, elle ne sait pas nettoyer, elle ne sait rien faire. Ok? Donc, elle est une femme, elle est dans une famille aisée, tout ce qu'elle sait faire, c'est passer son temps comme elle veut, faire qu'est-ce qu'elle veut. Puis il y a quelqu'un qui travaille dans la maison qui fait le travail de ménager. Donc si tu vas épouser une femme comme ça, il dit, selon la coutume, tu dois lui pourvoir qu'est-ce qu'il va lui permettre de continuer à vivre de la façon qu'il a toujours connue. Naam. Donc c'est ce qu'il expliquait. Puis, en tout cas, c'est pour dire, on s'éloigne du sujet, mais ça a un rapport avec Al-Urf, ok? Et après le cheikh il dit wal maqsud bil urf ma ta'arafa alayhi an-nas fi ta'amulatihim wa umur al-'adiyya wa umurihim al-'adiyya. Non. C'est-à-dire non, mais quand je disais travailler, c'est quand je parlais du travail dans la maison, pas du travail aller travailler dehors. Mais tu sais les règles par rapport au travail de la femme. Si la femme travaille, hein, les ulama, ils ont mis des conditions. Ils ont dit, premièrement, il faut que le mari soit d'accord, ou son père. Deuxièmement, il faut que ce soit un travail qui correspond à sa nature. Hein, il ne faut pas que ce soit un travail qui va lui faire par exemple des travaux, des efforts physiques très durs, puis des choses comme ça. Non, ça doit être en accord avec sa féminité, puis son rôle en tant que femme. En même temps aussi, il ne faut pas que ce soit un travail qui va la mettre dans un milieu où il y a de la mixité, qu'elle va être en contact avec des hommes étrangers et des choses de ce genre. Aussi, parmi les conditions que les ulama ont mentionnées, c'est que quand elle va sortir, il faut qu'elle soit bien entendu habillée islamiquement, couverte, de manière à ce qu'elle ne soit pas une cause de tentation ou de fitna dans la société. Ça fait partie ça, des exemples et des conditions que les ulama ont mentionnées pour que la femme puisse travailler à l'extérieur. Si la femme elle va travailler puis que ça ça respecte les conditions, dans ce cas-là oui elle peut travailler. Mais sinon si une des conditions n'est pas respectée, dans ce cas-là elle peut pas. Ça c'est une des conditions qu'on a mentionnées, c'est que le mari ou le père il accepte. Donc si le mari il dit non moi je veux que tu restes à la maison, et donc elle doit obéir à son mari puis elle doit rester à la maison. Elle ne va pas aller travailler si son mari lui dit de ne pas y aller. Tu comprends? Mais il faut que, quand tu vas te marier, avant de te marier avec une femme, tu dois te mettre d'accord sur ces choses-là avant de te marier. C'est pas tu te maries, puis après tu commences à débattre avec ta femme sur ces choses-là, puis là tu commences à faire des conflits avec ta femme parce qu'elle, elle veut travailler, puis toi tu ne voulais pas qu'elle travaille. Mais tu ne lui as pas dit ça avant. Donc là, après, tu causes des problèmes à ta femme, puis ta femme, elle a des problèmes avec toi à cause de ça, puis peut-être même que ça va amener au divorce. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que tu t'entendes avec ta femme avant de te marier avec elle, que vous êtes d'accord sur ces choses-là, et que après, il n'y aura pas de problème. Dis pas que oui, ça te dérange pas, puis en réalité, ça te dérange, et après, tu te maries avec elle, puis là, tu dis, mais je veux pas que tu ailles travailler, puis après, tu vas avoir des problèmes. Dis les choses telles quelles, claires. Moi, je cherche une femme qui ne travaille pas. Comme ça, elle sait déjà à quoi s'en tenir. Et elle aussi, elle doit être claire. Si elle veut travailler, elle ne va pas dire je ne veux pas, puis après ça, après le mariage, elle essaie de faire des problèmes avec ça. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, il faut savoir. Il y en a qui disent, bon, ok, si tu vas te marier, si par exemple, je vais me marier avec toi, bon, tant qu'on n'a pas d'enfant, tu peux travailler, mais du moins qu'on va avoir un enfant, tu dois rester à la maison, t'occuper de l'enfant, ça c'est prioritaire. Et elle dit, oui, ok, d'accord. Donc ça c'est, certaines personnes, ils vont mettre ces conditions-là, tu vois. Mais c'est chacun comment ils doivent s'organiser par rapport à leurs choses. Donc, quand ils vont mettre les conditions du mariage, ils doivent ou bien quand ils vont discuter de leur mariage, ils doivent parler de ces choses-là avant. Il y en a malheureusement, ils ne parlent pas de ces choses-là, puis après, ils sont devant des problèmes par la suite. Ça cause beaucoup de conflits. Non. D'accord. Il y en a des fois, c'est le contraire aussi. Des fois, il y a une femme, elle dit, moi, je ne veux pas travailler, je veux rester à la maison. Après, elle se marie, puis là, après qu'elle est mariée, c'est le mari qui veut forcer sa femme à aller travailler. Subhanallah, j'ai vu des exemples comme ça. La femme, elle veut rester à la maison, s'occuper de ses enfants, le mari lui dit, non, je veux que tu ailles travailler, va travailler. A'ouzoubillah. Tu vois? Les ulama disent, à la base, la place de la maison, la place de la femme, c'est la maison. Ça c'est la base. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Donc à la base, la place de la femme, c'est la maison. Puis, s'il y a besoin, puis s'il y a les conditions, là, elle peut travailler. Mais ce n'est pas ça la règle. Donc les gens, ils ont inversé les choses aujourd'hui parfois. Non. C'est ça. Si tu vois que ta femme, tu lui as dit, ok, moi ça me dérange pas que tu travailles, puis qu'après tu vois que ton droit, il est pas, t'as pas ton droit, ou des choses comme ça. Là, c'est à toi de dialoguer, de négocier avec ta femme pour essayer de lui faire accepter ton point de vue, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre son cœur et puis lui fasse comprendre et qu'elle l'accepte. Mais c'est pas gagné, comme on dit, c'est pas toujours facile. Il y a des femmes pour qui la carrière c'est plus important que le mariage. Il y a des femmes là, elles travaillent jusqu'à, elles font des études, elles arrivent au doctorat après, elles commencent à travailler. Et arrivées à 40 ans, personne veut la marier. Et là, elles commencent à réaliser, oh, pourquoi j'ai passé 40 ans de ma vie hein, comme ça, je me suis pas marié comme les autres. Moi, je suis resté comme ça. Puis là, elle est malheureuse. Elle finit sa vie vieille et seule et malheureuse. Beaucoup de femmes comme ça, beaucoup de femmes musulmanes comme ça. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, c'est ça. Il faut en profiter plus tôt. Donc, al-urf, c'est très important dans ces questions-là. Et le cheikh dit wa mithalu dhalika mas'alat al-hirz fi as-sariqah. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الحرز ولذلك قالوا حرز كل شيء بحسبه فحرز الذهب يختلف عن حرز الحطب فكل شيء حرزه بحسبه والحرز في البلد الذي فيها إمام سلطانه قوي يختلف عن البلد الذي فيه سلطان ضعيف وربما يكون هذا الشيء حرزا في بلد دون البلد الآخر فيختلف باختلاف العرف وكذلك بقية الأمور التي أحيلت إلى عرف الناس وهذا بخلاف العبادات التي يرجع فيها إلى الشارع. Donc le cheikh donne un bon exemple ici. Il parle de al-hirz. Il dit c'est comme al-hirz. Al-hirz ça veut dire quoi? Par rapport au vol. Al-hirz c'est comment tu vas protéger quelque chose pour pas qu'il se fasse voler. D'accord? Donc, les ulama ont dit que si par exemple tu as un bien, puis que tu ne l'as pas bien préservé, protégé contre les voleurs, et que quelqu'un te l'a volé, il n'y a pas de had pour le voleur. Par exemple, on va dire que tu as des bijoux là, hein, puis tu laisses ta porte ouverte, puis tu laisses les bijoux sur le comptoir, quelqu'un rentre, il les vole, puis il part. Et on l'attrape, hein, et la mère dit, on ne va pas lui couper la main dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que les bijoux n'étaient pas protégés. Ils n'étaient pas mis dans un endroit où quelqu'un n'allait pas les prendre. Et donc ça c'est un exemple. Et là il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas déterminé dans la charia qu'est-ce que c'est la protection en question. Il dit ça c'est déterminé par rapport à sa valeur et par rapport à qu'est-ce que ça représente. Il dit par exemple, si c'est de l'or, sa protection c'est pas le même que du bois. Hein? Si tu as une compagnie de bois pour le feu par exemple, puis tu mets ton bois quelque part, tu vas le protéger pour pas que les voleurs viennent le prendre. C'est pas la même chose que si tu as des lingots d'or. Hein? Et il dit la même chose aussi. Chaque chose correspond à la valeur qu'il a et à la chose que c'est, qu'est-ce qu'elle représente. Il dit la même chose que dans un pays dans lequel il y a une autorité, une stabilité politique et un dirigeant fort, ce ne serait pas la même protection que dans un pays où c'est faible. Ça me rappelle quand j'étais en Haïti, hein, j'étais chez un de chez mon oncle, un de mes oncles, et là un coffre fort immense dans son salon, ceux que tu trouves dans les banques, hein. Et ici à Montréal, tu vois, on va pas mettre un gros coffre fort comme ça dans notre salon, hein. Mais dans un pays où la police est pas forte, l'armée non plus, il n'y a pas d'autorité, on a besoin d'une protection pour nos biens plus solides. Donc ça c'est un exemple. Et donc ça dépend aussi de l'état politique ou de la situation dans laquelle tu es. Et il dit ça dépend aussi d'un pays à l'autre. Donc ça dépend de al-urf, de la coutume, qu'est-ce qui est connu dans un pays et dans un milieu et par rapport à la chose. Donc ça c'est une des choses qui est définie par al-urf. Et il y a d'autres exemples comme ça dans l'islam. Tandis que les adorations, c'est différent. On retourne à la charia pour les définir. C'est pas la coutume, comment les gens pensent ou qu'est-ce qui est défini par rapport au milieu ou la situation ou des choses de ce genre. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On a même dépassé le temps parce qu'on a dépassé un peu le temps qu'on a alloué à ce cours, mais c'est pas grave, alhamdoulilah, puisque C'est ça, c'est un des biens, une des bonnes choses. L'été et l'hiver, on a plus de temps. Tandis que au printemps et à l'automne, on n'a pas beaucoup de temps entre les prières. Mais le jour c'est court, mais la nuit, comme entre le maghrib et l'isha, il y a beaucoup de temps maintenant. Donc on peut en profiter pour prolonger un peu plus des fois. Tayyib, on va s'arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine. Demain, il y a le Dars Al-Kaba'ir, la même heure qu'aujourd'hui. Puis lundi, il y a le cours, comme je l'ai écrit ici, Tathir Al-Intiqad. Je le fais sur la radio de miras.fr. La radio miras.fr. Et c'est l'explication de Cheikh Zayd Al-Madkhali du livre Tathir Al-I'tiqad, qui est écrit par Al-Sheikh l'Imam Al-Amir Muhammad Ismail Al-San'ani. Muhammad ibn Ismail Al-San'ani. C'est sur le Tawhid. Donc on va s'arrêter ici. Demain, Al-Kaba'ir, l'explication du livre de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab par l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan. Ok, donc سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.